yeah. Cette pute quoi je sais pas, c'est pour nous traquer, qui croit qu'on le sait pas. Arab money dans la sève, j'arrive des quartiers les plus chauds de la savane. Narata savane stano, j'vais tous les savanes stane. Armani Ferragamo, le rab est soigné, soigné. Young and rich, young and rich, j'veux le dump du démon comme Peach. J'ai fait le tour de leur bis, j'ai fait le tour de ces nasty bitches. Je gâte sans le bout, en my dog. Elle est trop debout, mais trop conne. Je la prends debout dans les shots. Je l'emmènerai ma part au resto. Wow, son of the bitch. On sait tous que t'es un snitch, yeah. Tu parles au hnash, t'as vendu la mèche, on va te mic mille, yeah. Son of the bitch. On sait tous que t'es un snitch, ouais, ouais. Tu manges avec nous, tu vomis tout chez la police, ouais, ouais. Ma confiance est en parabellum, elle est plus en l'homme. PDP pas le charron, à toi te pigeonne. Comme si tu racontes que des mythos, comme à la télévision. Dans le fond du bloc, mais Arbi Ménégo, galoche Marie-Jeanne. J'suis un poli, ouais, j'suis un poli. Parce que j'dis la vérité, j'suis pas un poli. Faut que la police, soit faut que la police. Et tous ces politiques comme arrêt qui nous polluent. H24 sur le run, t'es mais pas pour percer dans le foot. 9 mm éganté, on fait des trucs de fou. Génération racisme et printemps arabe, oh baby. Génération pour des pesos, t'es un icaras, oh yeah. Et le juge nous condamnera pour un 12 mèches de robe, la sahbi. Parce que pour lui, on est bon qu'à ça, remplir les prisons comme nos casiers. Et le juge nous condamnera pour un 12 mèches de robe, la sahbi. Parce que pour lui, on est bon qu'à ça, remplir les prisons comme nos casiers. Oh baby, remplir les prisons comme nos casiers. Oh baby, remplir les prisons. Ma confiance est en parabellum, elle est plus en l'homme. PDP pas le charron, à toi te pigeonne. Même si tu racontes que des mythos, comme à la télévision. Dans le fond du bloc, mais Arbi Ménégo, Carole Marie-Jeanne. Ma confiance est en parabellum, elle est plus en l'homme. PDP pas le charron, de l'Iran. Même si tu racontes que des mythos, comme à la télévision. Dans le fond du bloc, mais Arbi Ménégo, Carole Marie-Jeanne.